Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perdu, j'ai peur qu'on ne m'ait oublié. J'ai mal à l'âme, je n'en peux plus, toutes ces vagues vont me déchirer. J'ai eu tous les bonheurs du monde, aujourd'hui je suis connecté. J'absorbe tout ce qui m'inonde, des taxes à la publicité. J'adhère à toutes les nouvelles causes, je paye des puits dans les déserts. J'avale des infos à haute dose et je milite pour les verts. Je voyage en éco-touriste, je m'acquitte de ma taxe carbone. Je paye dès qu'on m'y invite, je partage le peu qu'on me donne. J'économise pour le cas où, je mets des miettes dans mon cochon. J'essaye d'avoir un œil partout, je ne veux pas rater d'occasion. J'arrive à l'heure, je pars en retard, faut pas décevoir le patron. J'ai toutes mes idées au placard, surtout ne pas se faire d'illusions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'attendais plus de ce monde-là. Les diables qui nous mènent s'enivrent, y'a pas de trop pour ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Les ors, les vins, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Aveuglé depuis trop longtemps, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Je viens seulement d'ouvrir les yeux et je ne me sens pas mieux. Je respire.